Chapitre 7e. Le désespoir d'un artiste. En arrivant rue Saint-Lazare, Maurice se sépara de Martel en lui disant simplement qu'il avait besoin d'être seul, et celui-ci, qui ne voulait point paraître provoquer une confidence qu'on ne lui offrait pas, s'éloigna de son côté. Maurice courut chez lui. Là au moins il espérait trouver une lettre de Marguerite. Femme et parisienne, elle avait pu ne pas se rappeler le nom d'un obscur village de Bretagne, mais elle connaissait trop bien cette chère demeure où elle avait été si heureuse pour l'avoir oubliée. D'ailleurs, n'avait-elle pas promis, n'avait-elle pas juré d'y venir ? « J'ai reçu des lettres pour monsieur, » répondit le concierge à ses questions précipitées. « Je les ai montées comme monsieur me l'avait recommandé. » Sur son bureau, il aperçut un paquet de lettres. Il sauta dessus, mais singulière ironie des circonstances, ces lettres étaient toutes de lui, c'était celles-mêmes qu'il avait écrites de Plorac. Non seulement il n'y en avait pas de Marguerite, mais encore elle n'était point venue chercher celle qui lui était destinée. « Allons chez elle, » se dit-il. Prêt à partir, il hésita. Il eut peur d'apprendre la vérité. Il eut même peur de se préciser sa propre pensée. Alors il se décida par un de ces moyens qui, tout en ne brusquant rien, pouvaient cependant l'éclairer, et il résolut d'aller chez Donézac. « Pourvu que je ne me trahisse pas, » se disait-il en faisant sa toilette, il se préparait à un thème de conversation. Ses habiles préparations furent perdues, Donézac n'était pas chez lui. C'était un contretemps auquel il n'avait même pas songé. Aussi, en se retrouvant sur le trottoir, ne sut-il de quel côté tourner ses pas. Il alla durant quelques minutes droit devant lui, tâchant de réfléchir et de se reconnaître. Puis, exaspéré par les gens qui le choquaient et le dérangeaient, il entra dans un café. Dans la situation où il était avec Marguerite, une démarche imprudente pouvait avoir les suites les plus graves, et d'ailleurs, des personnes qu'il avait connues près d'elle, Donézac était la seule qu'il put interroger. Pour les autres, il n'avait eu avec elle que des relations de simple politesse, et lors même qu'il eût su leur demeure, il n'avait pas le plus léger motif pour s'y présenter. Plus il chercha, moins il trouva. Cependant, les heures marchaient et la soirée s'écoulait. Il se décida à aller chez elle. Il n'était pas revenu à Paris pour rester dans l'anxiété. Quoi qu'il dût apprendre, il voulait l'apprendre. Il rentra chez lui, et s'étant habillé, il se mit en route pour le faubourg Saint-Germain. C'était un soir de mi-carême, et la foule qui débouchait des rues marchait sur place en se coudoyant, tandis que sur la chaussée du boulevard, des centaines de voitures entrecroisaient leurs lanternes, et que çà et là apparaissait un char de blanchisseuse avec son orchestre formidable et ses branches de sapin enguirlandées de rubans tricolores. Ses cris et ses éclats bruyants faisaient un étrange contraste avec ce qu'il avait vu 2 jours auparavant. Au milieu de cet éblouissant pêle-mêle, de cet assourdissant tumulte, il lui sembla presque qu'un malheur était impossible, et le drap mortuaire qu'il avait toujours devant les yeux s'en alla lambeau par lambeau à mesure qu'il s'enfonça dans le tourbillon de la fête. Au pont de la Concorde, il fut arrêté par 5 ou 6 fiacres qui défilaient. C'étaient des étudiants et des femmes du quartier latin qui s'en allaient au bal de Montmartre et du Batignolles. Tous criaient, chantaient, et trouvaient dans leur propre gaieté un bonheur qu'ils ne demandaient qu'à leurs amours faciles. « Tout le monde est heureux, » se dit-il. Il gagna la rue de Bourgogne. De nombreux équipages étaient alignés le long du trottoir. Il suivit cette file de voitures qui se continuait jusqu'au boulevard des Invalides, et il arriva ainsi devant l'hôtel de Marguerite. La ronde porte était ouverte à 2 battants, la cour était pleine d'animation et de mouvement. Toutes les fenêtres jetaient des flots de lumière. Il s'arrêta. Là où il s'attendait à trouver le silence, il trouvait une fête. On entendait un prélude de contredanse. Il écouta pendant quelques secondes et voulut se recueillir, mais irrité et décidé aussi par cette musique, il franchit la porte de l'hôtel. En donnant son pardessus à un domestique, il remarqua que la livrée était changée, de bleu elle était devenue amarante. Mais sans chercher à s'expliquer cette anomalie, il monta le grand escalier rempli de camélias et d'arbustes verts, et comme le domestique, placé dans la première antichambre, lui demandait son nom, « N'annoncez pas, » dit-il. Un souffle brûlant et parfumé le saisit à la gorge. Par-dessus des groupes d'hommes qui se pressaient aux portes, il aperçut une enfilade de pièces illuminées. De la foule s'élevaient des bruits confus de paroles, de bruissements de soie, de pieds glissant sur le parquet. tout cela dominé par les sons clairs et aigus du violon et de la flûte. Sa détermination commença à fléchir. La fièvre du coup de tête se calmait. Il entrevoyait les difficultés de son entreprise. Cependant, il ne recula pas et se glissa dans le grand salon. La contenance venait de finir. Il n'osa s'aventurer au milieu du parquet. Et s'effaçant derrière un groupe, il chercha des yeux Marguerite. Il ne la vit pas. Mais en poursuivant son examen, il fut frappé d'une remarque analogue à celle qu'il avait faite à propos de la livrée. Il n'apercevait que des figures inconnues. Les appartements aussi étaient en harmonie avec ce changement. Les peintures avaient été refaites, les tentures avaient été remplacées, l'or flambant neuf des corniches laissait tomber ses rayons sur l'or des parures et des bijoux. Il se demandait ce que pouvaient signifier ces métamorphoses lorsque Marguerite parut, belle et fière. Elle s'avançait au bras d'un homme qu'elle reconnut pour le comte de Lannilis, et tout à son manège de maîtresse de maison, elle distribua à droite et à gauche de gracieux sourires. Lorsqu'elle eut fait quelques pas de plus, leurs regards se rencontrèrent. Elle tressaillit et pâlit. Sans baisser les yeux, il la regarda en face. Il croyait qu'elle allait s'approcher, lui adresser la parole. Elle passa et lui tourna le dos. Elle paraissait calme, elle était tremblante. Les yeux de cet amant étaient si effrayants. Son visage était si bouleversé, elle s'attendait si peu à le trouver là devant elle qu'elle avait peur. Devait-elle craindre un éclat et une explication? Elle jugea que l'unique moyen d'y échapper était de ne pas être seule une minute de toute la soirée et de le tenir à distance, assurément. Il n'oserait pas l'aborder. En une minute, son plan fut bâti, et comme le moment était venu d'accorder une valse qu'elle avait promise, elle l'accorda. La main dans la main de son valseur, elle s'avança au milieu du salon. Quand il l'avait vue s'éloigner, Maurice avait été frappé d'un stupide étonnement. Quand il la vit revenir et s'élancer aux premières mesures de l'orchestre, il fut saisi d'une colère désespérée. D'abord, ils allèrent lentement. Puis, ils repassèrent en tournoyant plus vite. Puis, ils repassèrent encore. Chacun des tours qu'ils avaient faits les avait plus étroitement unis. Marguerite, la taille souple, la tête renversée en arrière, appuyait sa poitrine sur la poitrine de son valseur. 10 fois, pendant cette valse, Maurice, les yeux hagards et les nerfs crispés, fut prêt à s'élancer sur Marguerite. La crainte qu'elle lui inspirait toujours, bien plus que sa raison qui lui échappait, l'avait heureusement retenue. Mais comme, aux tortures qu'il endurait, il comprenait que d'un moment à l'autre il pouvait se laisser emporter, il voulut retourner en arrière. Pour cela, il lui fallait retraverser le grand salon dans toute sa longueur, déranger les groupes, affronter ses regards qui déjà l'avaient, croyait-il, observé. Et l'espace était à peine suffisant pour se mouvoir, les danses continuaient. Cette tâche lui parut au-dessus de son courage. Une réaction de timidité et de faiblesse le paralysait tout entier. Il songea à descendre par un escalier qui conduisait aux appartements du rez-de-chaussée. Au bas de cet escalier était une serre, puis une bibliothèque, puis la chambre de Marguerite. Connaissant les issues et les passages comme il les connaissait, rien ne lui serait plus facile, en cette nuit de désordre, que de s'échapper soit par la cour, soit par le jardin. Il descendit. La serre était déserte. Tout était à peu de choses près, tel qu'il l'avait vu si souvent autrefois. Quand, auprès de Marguerite, étendue dans un hamac à l'abri des fougères et des lataniers, il avait passé tant d'heures joyeuses. Il entra dans la bibliothèque. Des joueurs s'étaient retirés loin du bruit et des curieux. Personne ne parlait. De temps en temps, on entendait le flic-flac des cartes et le bruit clair et sonore des louis qu'on poussait et qu'on ramassait. Il n'avait pas prévu cette complication. Il demeura embarrassé. Mais, tandis que d'un air qu'il s'efforçait de rendre indifférent, il réfléchissait et s'ingéniait à trouver un moyen d'ouvrir la porte qui, de la bibliothèque, communiquait avec le vestibule, il aperçut, par une portière à demi relevée, la chambre de Marguerite obscure et silencieuse. Un nouveau projet germa dans son esprit, et saisissant un moment où les regards étaient enchaînés par un coup décisif, il se glissa dans cette chambre. Une lampe lui permit de se guider sans renverser aucun meuble. Et comme il savait parfaitement qu'il ne trouverait pas le moindre recoin ou le moindre cabinet pour lui servir de cachette, il alla se blottir derrière les rideaux d'une fenêtre. La moire en était épaisse, ils se rejoignaient, et l'espace qu'il laissait libre entre eux et les volets était plus que suffisant pour qu'il pût s'y tenir à son aise. Il se blottit dans cet espace, et sûr de voir Marguerite, sûr de la tenir en sa puissance et de l'interroger comme il le voudrait, tant qu'il le voudrait, il attendit. Longtemps encore, le tumulte du bal retentit au-dessus de sa tête. Enfin, il s'éteignit graduellement. Les joueurs abandonnèrent la bibliothèque. Les voitures, l'une après l'autre, défilèrent dans la cour. La grande porte roula sourdement sur ses gonds. Autant il avait eu de faiblesse dans l'attente, autant il eut de résolution. Il savait qu'elle allait venir. Elle arriva. Elle n'était pas seule. De son abri, il ne pouvait rien voir, mais il entendait. À la voix, il reconnut un homme. Un fauteuil fut traîné sur le tapis. Sans doute on s'asseyait. « Qu'aviez-vous donc ce soir ?» dit la voix, continuant une conversation. « Vous paraissiez tourmenté. »« Un peu brisé, voilà tout. Demain, ma fatigue dissipée, nous pourrons parfaitement partir. » Vous savez que je suis à vos ordres. À demain, donc. Je ne veux pas plus longtemps abuser de votre hospitalité. Ah, reprit Marguerite, soyez donc assez aimable pour m'envoyer Sophie. Pourquoi ce départ, quand elle le savait à Paris? Quel était cet homme dont il reconnaissait la voix, mais dont il ne pouvait retrouver le nom dans sa mémoire troublée? Sophie resta longtemps près de sa maîtresse, mais la camériste alla enfin mettre les verrous et sortit en marchant discrètement sur la pointe des pieds. Il était seul avec elle. Il attendit quelques instants. Puis, le silence s'étant établi, il écarta doucement les rideaux et s'avança dans la chambre. À demi couché sur une chauffeuse, Marguerite, devant la cheminée, paraissait absorbée dans une accablante préoccupation et regardait les bûches du foyer. Elle tournait le dos à la fenêtre par laquelle Maurice entrait. Au bruit de la soie qui cria, elle se souleva et, apercevant un homme qui marchait vers elle, sans prendre le temps de regarder quel était cet homme, elle se leva brusquement et poussa un cri étouffé. « Ne crie pas » dit-il à voix basse. « C'est moi. »« Toi ?» murmura-t-elle avec stupéfaction. « Maintenant je te tiens, et tu vas me répondre. » Il se fit un silence. Que savait-il? Tout était là. « Eh bien » fit-elle avec une assurance qu'elle eut la force de feindre. « Que voulez-vous? Et que faut-il que je réponde? Quel est l'homme qui était là tout à l'heure dans ta chambre? Pourquoi veux-tu partir quand je reviens à Paris? Sans phrase, sans détour, réponds à mes questions. Après, si tu le peux, tu répondras encore à celles qui me restent à te faire. » Ces paroles éclairèrent Marguerite. Du premier coup, il était tombé dans le piège qu'elle lui tendait. Il ne savait rien, il arrivait à l'instant même, et ses plaintes étaient celles d'un amant jaloux, qui, pour connaître la vérité, la demande. Pourvu qu'il ne lui échappât point quelques mots maladroits, la victoire était à elle, il fallait seulement gagner du temps. « Voyons, » dit-elle d'une voix plus douce, et en se replaçant dans son fauteuil, comme si elle continuait une explication amicale. « Pourquoi cet emportement? N'ai-je pas toujours répondu à toutes tes demandes? Quelque insensé qu'elles aient été? Il ne s'agit pas du passé, mais du présent. Et si j'ai pu me laisser tromper autrefois, je ne me laisserai pas tromper aujourd'hui. Mais je ne veux pas te tromper, Maurice. Et pour que je parle, tu n'as pas besoin d'employer la violence. » Elle essaya de dégager son bras, que machinalement il avait pris et qu'il serrait. Honteux, il le laissa échapper. C'était un premier avantage. Elle continua. « Avant de me condamner, tu aurais dû m'entendre. Quel est cet homme? Quel est ce voyage ?» La douceur lui réussissait assez mal. « Ah » dit-elle avec fermeté, « encore des doutes. Moi aussi la colère me gagne. Prends garde à toi. Tu dis que tu me tiens. Nous allons voir ce que tu vas faire. Tu me menaces, je me tais. Tu ne me feras pas parler, malgré moi, sans doute. » Elle épia l'effet de ses dernières paroles, en qui elle avait confiance, et qui autrefois eussent jeté Maurice à ses pieds. Le résultat fut tout autre que celui qu'elle attendait. Elle avait manqué de patience et lâché trop tôt cette explosion de dignité qui, un peu plus tard et mieux préparée, eût probablement réussi. « Ah, tu ne veux pas parler? Eh bien oui, nous allons voir. Je t'ai épargné tantôt au milieu du monde. Je te jure bien que maintenant, de force ou de bonne volonté, tu parleras. Regarde-moi. » Lui saisissant les deux poignets avec violence, il la tira vers lui et, penché sur elle, il lui montra sa face blême. « Tu vois dans quel état je suis. N'essaie pas de mentir et de lutter, ou je ne réponds pas de moi. Je n'ai plus rien à ménager. Ma mère est morte. » « Morte ? Oui, tu es par moi, tu es par nous. Fais donc bien attention à ce que tu vas dire. Si tu me trompes, je t'étrangle moi-même de mes mains. Ne regarde pas le cordon de ta sonnette, car si tu fais un mouvement pour appeler, je crie la vérité à ceux qui entreront. Je ne suis plus le jouet que tu excitais et que tu calmais au gré de ton caprice. J'arrive avec une colère que chaque jour j'ai comprimée depuis 6 semaines. Comprends bien que tu ne peux ni me tromper ni m'échapper. Malgré tes serments, tu ne m'écris pas. Tu me tournes le dos quand je reviens. Je trouve un homme dans ta chambre. Tu veux partir quand tu me vois. Tu fais de la pudeur et de la dignité et tu ne veux pas répondre. Puisque tu ne me crois pas. Parce que tu cherches des phrases et que tu veux mentir. Voyons, oui ou non, veux-tu répondre ? Il se mit à la secouer avec fureur, comme si avec ses mains il espérait lui arracher son secret. « Mais parle donc, qui t'arrête ? Est-ce la peur de me faire souffrir ? Tu ne vois donc pas que je te hais et te méprise ? Tu as brisé mon cœur, dépravé mon esprit, tué mon avenir et ma jeunesse. Et tu crois que tu vas m'abandonner maintenant, sans que je me venge ?» Pour ne pas céder au vertige qui le prenait de l'étouffer, il la repoussa et se jeta sur un fauteuil. Il tressautait de rage. Il laissait échapper des sanglots et des paroles sans suite. Elle le regardait sans oser faire un mouvement. Il y avait en elle et de l'étonnement, et de la crainte, et de la colère, et de l'émotion, et de la pitié. Cette violence, ces injures, d'un amant qu'elle avait toujours dominé, la stupéfiaient. Mais ses douleurs et ce désespoir la touchaient aussi. Il était beau ainsi. Par malheur, dans l'état d'emportement où il était, elle avait tout à redouter de lui. Un éclat aussi bien qu'un crime. À tout prix, il fallait donc qu'elle cherchât à le faire partir calme et rassuré. Il y allait de son honneur et de sa vie. Car si, par un miracle heureux, il avait jusqu'à ce moment parlé d'une voix contenue, il pouvait s'oublier. On pouvait entendre le bruit de leur querelle. On pouvait venir. Elle se leva et s'approcha de lui. Elle avait trouvé sa justification. Doucement, elle lui passa le bras autour du cou et l'embrassa sur les cheveux. Il se redressa et la repoussa avec tant de force que la tête, alors frappée contre le marbre de la cheminée, rendit un bruit sourd. Sans jeter un cri, sans faire un mouvement, elle s'affaissa sur elle-même et demeura immobile, étendue sur le tapis. Il se pencha vers elle et durant quelques secondes, il la regarda. Effrayé de ce silence, honteux de sa brutalité, il lui prit le bras. Elle ne bougea pas. « Marguerite, » dit-il. « Marguerite ?» Elle demeura toujours inerte et comme évanouie. Avec précaution, il la replaça sur la chauffeuse. Elle ne remuait toujours pas et il était fort embarrassé. Était-ce un évanouissement ? Était-ce une rouerie ? Au bout de quelques minutes, elle s'agita faiblement, ouvrit à demi les yeux, porta la main à sa tête, poussa un cri plaintif, et cachant son visage dans ses mains, parut fondre en larmes. Pour garder une contenance, il se mit à marcher dans la chambre, mais à chaque tour, il regardait un peu plus longtemps du côté de la chauffeuse. Enfin, s'approchant, « Je te demande pardon, » continua-t-il. Elle se retourna un peu, et le regardant avec un visage baigné de pleurs. « Vous m'avez fait bien mal, » dit-elle. « Oui, je le comprends, mais quand je venais t'embrasser, je te demande pardon, je le répète. Mais aussi, quand j'arrive irrité et à moitié fou, pourquoi me pousser à bout ? Tu ne veux pas me répondre, tu me braves. » « Mais je t'aurais vu, moi, s'écria-t-elle, me trahissant, que j'aurais récusé mes yeux, et toi tu en viens jusqu'à me battre. Tu ne comprends donc pas que ton silence, que la mort de ma mère, que ton accueil, que cet homme, que ce voyage, que tout cela m'a rendu fou ? Si tu avais attendu comme moi une lettre pendant 50 jours, « tu vois l'horreur de ma situation, n'est-ce pas ? Veux-tu me répondre ? Veux-tu te justifier ?»« Oui, je le veux. »« Eh bien, alors parle. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? J'étais malade. Malade. »« Si tu ne me crois pas, pourquoi veux-tu que je parle ? Regarde-moi, et tu verras bien mon visage que je ne te trompe pas. » Disant cela, elle plongea ses yeux, encore mouillés de larmes, dans les yeux de Maurice. Il frissonna tout entier, mais, continuant, « tu as été malade, c'est bien. Mais tu ne l'as pas été jusqu'à aujourd'hui. » Pourquoi hier, pourquoi avant-hier, pourquoi, quand tu étais guéri, n'es-tu point allé chercher mes lettres ? Parce que, pendant ma maladie, on m'a perdu ta clé, et parce que, depuis que je me lève, ma mère ne m'a pas quitté un instant. N'espère point me faire croire ces excuses invraisemblables. Mais c'est là, malheureux enfant, ce qui justement prouve qu'elles sont vraies. Si je voulais te faire des mensonges, je serais bien assez adroite, peut-être, pour te les faire vraisemblables. Écoute, j'ai la tête tellement troublée, que je ne sais pas bien distinguer si tu me trompes ou si tu me dis la vérité. Mais les réponses qui te restent à faire vont me l'apprendre. Quel est cet homme qui est entré ici avec toi ?» Sans tout de suite répondre, elle le regarda en face d'une manière étrange et indéfinissable. Il crut qu'elle hésitait. « C'est ton amant, n'est-ce pas ?»« Non, Maurice, non. Ce n'est pas ton amant. Je te jure, tu entends, je te jure sur la tête, sur la mienne, je te jure que non. » « Alors, quel est-il ? » « Tu ne vas pas me croire encore si je te dis la vérité. »« Mais parle, parle donc !»« Eh bien, cet homme, comme tu dis, était là pour toi. »« Pour moi ?»« Tu vois bien que tu ne me crois pas. Faut-il donc que je mente pour te convaincre ? Que veux-tu que je fasse si tu doutes de toutes mes paroles ?»« Allons, dis, quel est cet homme ?»« Monsieur de Lannilis. »« Ah, j'aurais dû le reconnaître. » Sans se laisser interrompre, Marguerite continua d'une voix rapide. « Monsieur de Lannilis, avec qui je devais partir pour la Bretagne, car son château touche à Plorac, et sans quitter ta mère, tu aurais pu me voir tous les jours. »« Marguerite. »« Oui. Pendant que tu m'accusais, je pensais à te rejoindre. Pendant ma maladie, tout ce que tu souffrais de mon silence, je le souffrais du tien, tourmenté en plus de ta propre inquiétude et de ta propre jalousie. Et quand je me suis relevé, au lieu de t'écrire comme j'aurais pu le faire, j'ai voulu courir près de toi, car je savais que tu douterais de mes lettres. Alors, sans éveiller ses soupçons, je me suis fait inviter par monsieur de Lannilis. Si cette fête n'avait pas été fixée depuis 2 mois, il y a 8 jours que je serais près de toi, près de vous, monsieur, qui, malgré toutes les preuves que je vous avais données de mon amour, m'avez soupçonné, m'avez injurié. » Tout à coup, comme si un éclair de vérité lui avait traversé le cerveau. « Puisque c'était pour me rejoindre, s'écria-t-il, pourquoi ce soir, après m'avoir revu, voulais-tu donc partir encore ? Toujours des soupçons, ainsi tu doutes encore. Malheureux, malheureux ! Mais puisqu'il faut que je me défende jusqu'à la fin, je me défends. Je voulais partir ce soir encore, parce que tout à coup, je ne pouvais changer d'avis. Mais déjà, malgré ma joie, j'avais eu soin de paraître souffrante. Ce matin, j'aurais été malade. » Il la saisit dans ses bras et se mit à fondre en larmes. Il embrassait ses mains, il embrassait ses bras, il embrassait ses cheveux. « Ainsi, tu m'aimes encore, » disait-il. « Maurice, tu m'as fait des blessures qui ne guériront jamais. Qu'aurais-tu donc dit si j'avais été coupable ? Je t'aurais tué, et après je me serais tué moi-même, car maintenant, plus que jamais, ma vie tout entière est en toi. Et si tu me manquais, je n'aurais plus qu'à mourir. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas ? Et tu me pardonnes ? Tiens, si tu as pitié de ce que j'ai souffert, si tu veux me rendre le plus heureux des hommes, si tu veux me prouver que ce que tu as dit est vrai, tu veux des preuves. Non, non, ce ne sont pas des preuves que je veux dire, c'est une consécration. » Elle baissa les yeux et voulut se dégager. Troublée par cette parole qui sonnait toujours la même comme la plainte dolente d'un enfant, privée aussi d'une partie de sa force, parce que la défaillance physique commençait à se joindre à l'inquiétude, elle était cependant bien éloignée de céder. Son expérience de la vie ne lui permettait pas la plus légère illusion sur les suites que pourrait avoir un moment de faiblesse. Elle se disait que, vaincue aujourd'hui, l'habitude, avec ses lâchetés et ses servitudes quotidiennes, les reprendrait tous les deux, et qu'il faudrait alors pour s'affranchir un bien autre effort que celui qu'elle allait tenter. Enfin, elle ne pouvait se dissimuler qu'elle était trop complètement dans son tort avec Maurice pour se laisser dominer par lui. Elle ne pouvait pas, l'eût-elle désiré, le trahir à moitié. Elle se leva, et repoussant doucement Maurice, toujours penché sur elle, « Non, » dit-elle, « tu ne m'estimerais pas. » Il la regarda. Ne comprenant rien à ses paroles, il attendit qu'elle s'expliquât davantage. Elle reprit d'une voix lente et vibrante, « Écoute-moi, Maurice, écoute-moi bien. Si j'étais la malheureuse et la coupable que tu soupçonnes, si j'étais ce que tu me fais la honte de me supposer, j'aurais raison de toi. Que m'importerait si je ne t'aimais pas ? Que m'importerait d'être à toi cette nuit sans témoin, assez sûr de ta loyauté pour savoir que tu ne dirais rien, et qu'à mon premier geste, tu me quitterais ? La colère gonfle ton front, pâlit tes lèvres, étreint ta gorge et te brise le cœur. Eh bien, si je voulais, je pourrais te verser une telle coupe d'oubli que dans l'excès de ton bonheur, tu te demanderais si tu as souffert. Cela serait, si je le voulais, mais demain, rendu à toi-même, ressaisissant dans la pureté du matin un peu de la pureté de ton âme, tu dirais « Cette femme m'a joué. » Il pouvait tout attendre de sa maîtresse, tout, excepté un tel langage. ses raisons lui semblaient sans réplique. Quel droit pouvait-il se sentir sur une pareille femme? S'il l'aimait tout à l'heure, il l'adorait maintenant. Puis, comme dans cette âme d'artiste, les impressions se succédaient avec mobilité, il ne voulait pas rester au-dessous d'elle. D'ailleurs, sur lui aussi la fatigue pesait d'une main de plomb. Lassé par le voyage, accablé par l'éveil, brisé par l'émotion, il en était arrivé à cette crise d'atonie et de sommeil qui terrasse les plus forts, qui couche la sentinelle perdue aux avant-postes, l'officier sur le banc de gare, le savant sur son livre ou sur son fourneau. Étourdi du bruit qu'il l'avait fait, du mouvement qu'il s'était donné, de la colère qu'il avait dépensée, il en était arrivé d'ailleurs à ne plus savoir trop précisément ce qu'il voulait. Instinctivement, une dernière inspiration surnageait, ne pas s'éloigner, ne pas la perdre de vue. Marguerite, contemplant d'un œil fixe son amant fasciné et démêlant à travers les cloisons de son cerveau ce qui s'y débattait et tourbillonnait, était sûre de son triomphe. Quand Maurice, se relevant, lui adressa la parole, elle savait d'avance ce qu'il allait lui dire. « Ne crains rien, » murmura-t-il. « Agis comme si tu étais seul ici. Je suis ton enfant, ton frère. Moins que cela, si tu veux. Un chien, un immeuble. Tu es seul. Le rideau le plus épais ne te voilerait pas mieux que ma volonté bien arrêtée. Mais il y a 6 semaines que je ne t'ai vu. J'ai besoin de te voir, de te sentir, dans la même atmosphère que moi, d'entendre, si tu es éveillé, ta voix caressante ou ton pas léger, si tu dors, le chant de ta respiration égale. Je ne te quitterai pas. » « Comment passerais-tu la nuit ? » interrompit-elle. « Tiens, regarde ton visage. » Elle le conduisit devant une glace. Au fond, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle sentait que demander plus serait risquer de tout perdre et qu'elle se heurterait contre une de ces résistances passives que rien n'ébranle. Elle se décida donc à ne pas insister. « C'est 1 heure à passer, » se dit-elle. « Dans 1 heure, il fera jour. »« Tu veux bien ?» dit Maurice d'une voix calme. « Mais puisque tu es si bonne, laisse-moi t'adresser encore une prière. Ce que tu n'as pas voulu donner à une surprise, cet assentiment que tu as refusé à l'amant irrité et jaloux, promets-moi de le donner demain librement, de venir demain, sans que rien t'y contraigne, sinon ton amour, dans notre chère petite chambre. Tu me le promets, n'est-ce pas ?» Maurice, ayant cessé de parler, elle se souleva un peu. « Oui, j'y serai. À demain, Maurice, à demain. Mais pour l'heure présente, j'ai la tête perdue, le corps brisé. Laisse-moi me remettre un peu. Ta colère et tes violences m'ont anéanti. » Elle avait fermé les yeux et elle restait immobile. Mais tout à coup, et par un mouvement purement naturel, qui trahissait un corps courbaturé, elle appuya fortement sa joue sur le dos du fauteuil et soupira faiblement. Elle dormait. Tout d'abord, elle avait voulu observer et se remettre, mais l'assoupissement l'avait envahie. Maintenant, elle dormait. Il s'approcha, mais il ne fit que passer. Il se tenait à lui-même sa parole. Pour ne pas se laisser tenter, il alla s'asseoir sur le fauteuil qui se trouvait le plus distant de celui de Marguerite et voulut réfléchir. Durant quelques minutes, il resta la tête entre ses mains, cherchant à ressaisir sa pensée qui s'en allait. Mais bientôt aussi il se renversa en arrière. Ce fut dans cette attitude que le prit et le cloua le sommeil. La fatigue avait vaincu. Il y avait à peine 1/2 heure qu'il s'était endormi, que tout à coup il se réveilla. Il étouffait sous le poids d'une oppression nerveuse. Sur ses joues coulaient des larmes âcres et brûlantes. C'était un de ses réveils, comme il en avait eu si souvent. Il se redressa en sursaut et regarda autour de lui. Marguerite dormait toujours. Il semblait qu'elle n'avait pas fait un seul mouvement. Par les fenêtres, une lumière blanche filtrait, élargissant les étroites fentes des volets. Le jour allait paraître. Maurice comprit qu'il n'avait pas 1 minute à perdre. Un premier élan, cependant, plus fort que sa volonté, l'entraîna vers Marguerite. Il voulait lui mettre au front un baiser d'adieu. À 2 pas de son fauteuil, il s'arrêta. « Non, » se dit-il, « rien ici. » Et de peur de manquer encore de résolution, il se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit doucement, l'enjamba avec précaution et descendit dans le jardin. Par la fenêtre entr'ouverte, une bouffée d'air frais pénétra dans la chambre. Marguerite frissonna. Elle se redressa brusquement. Il n'était plus là. Elle n'eut pas besoin d'explication pour comprendre. Sur la pointe du pied, elle alla à la fenêtre. Immobile dans le jardin, Maurice regardait, tourné vers la maison. Cela ne dura qu'un instant. Il se glissa à pas de loup par un chemin qu'il avait déjà parcouru plus d'une fois, le long de la charmille, atteignit la terrasse, franchit la balustrade et se laissa tomber sur la terre molle de la contre-allée. Au moment où elle le vit disparaître, Marguerite, rayonnante, ne put retenir un cri. « Enfin !» dit-elle, et fermant la fenêtre, elle gagna son lit. Pour Maurice, sous les grands arbres du boulevard, il marchait rapide et joyeux. Le crépuscule se faisait, et sur les hauteurs de Belleville, le ciel se colorait en feu. Il n'était plus seul au monde. Une vie nouvelle commençait. Il ne songeait plus au passé, il défiait l'avenir. Et par les rues désertes, il allait fièrement, la tête dans le ciel. Il était aimé. Ses lèvres étaient encore humides des baisers de Marguerite. Il respirait encore en frémissant les émanations de l'énervante senteur qu'il emportait avec lui. Sa chambre lui parut bien froide et bien nue pour servir de temple à ses amours, et il voulut la faire digne de Marguerite. Il courut au marché aux fleurs et en rapporta toute une voiture de plantes. Il en mit partout, sur la cheminée, sur le rebord des fenêtres, sur le piano. Il enleva soigneusement la poussière, il mit tout en ordre, et ayant rempli la cheminée de bois, il attendit. Il n'était pas encore 10 heures. Elle ne viendrait probablement que vers le milieu de la journée. Mais que lui importait un peu plus ou un peu moins de temps? Il avait la certitude qu'elle viendrait, et en attendant, il avait le souvenir et l'espérance. Cependant, les heures de l'après-midi s'écoulèrent sans qu'elle arrivât. À chaque minute, il écoutait, il se levait, il allait à la fenêtre, il regardait dans la rue, il se penchait dans l'escalier, revenait s'asseoir, entretenait le feu pour qu'elle n'eût pas froid lorsqu'elle entrerait, et pour tâcher de tromper son impatience, il comptait les raies de la tenture ou les fleurs du tapis. Quand le soir tomba, elle n'était point encore venue. « Ah !» se dit-elle presque joyeux, « ce sera pour cette nuit. » Pendant 1 heure ou 2, il fut calme. Mais lentement, les bruits s'éteignirent, les dernières voitures qui revenaient des théâtres ronflèrent sur le pavé, et dans la rue silencieuse, on n'entendait plus que le clapotement des ruisseaux et le pas régulier des sergents de ville qui faisaient leur ronde. Cependant, elle ne venait pas. Il se répétait la justification de Marguerite, et chaque fois il y trouvait des contradictions qui d'abord ne l'avaient pas frappé. Mais s'il ne l'aimait plus, pourquoi ses caresses et pourquoi ses promesses? Le jour parut, la matinée s'écoula, et avec elle une grande partie de la journée. Marguerite ne vint pas. Il se dévorait d'inquiétude. À la fin, n'y tenant plus, il résolut d'aller chez elle, il saurait quelque chose. Avant de partir et de peur qu'elle ne vînt en son absence, il prit toutes les précautions possibles. Au beau milieu de son bureau, il laissa une lettre pour dire où il allait. Au cordon de sa sonnette, il attacha un papier pour avertir que la clé était chez le concierge. À ce concierge, il donna les instructions pour faire monter la dame, qui peut-être viendrait. Tout cela fait, il courut rue de Varennes. Contre la porte de l'hôtel, deux domestiques en petite livrée causaient en fumant. « Madame Baudistel ?» dit Maurice entrant dans la cour. « Madame la Comtesse est partie hier matin avec Monsieur le Comte. »« C'est Madame Baudistel que je vous demande. J'ai bien entendu. Mais j'ai déjà dit à Monsieur que Madame était partie en voyage avec Monsieur. Vous êtes sourd ?»« Que Monsieur me pardonne ?» dit le second domestique en intervenant. « Mais je vois que Monsieur ignore sans doute que Madame a épousé Monsieur le Comte de Lannilis. » Il se dirigea vers la porte, mais ses yeux étaient tellement troublés qu'il ne put trouver la poignée. À ce moment, un facteur entra, et jetant les lettres dans la loge du concierge. « Madame la Comtesse de Lannilis » cria-t-il. Par la porte entr'ouverte, Maurice sortit. « Voilà un particulier qui est fou !» dit un des domestiques. « Vieille bête !» répondit l'autre. « C'est un amoureux que Madame aura oublié de prévenir. » Maurice marchait sans avoir conscience de ce qui se passait dans sa tête. Il lui semblait que ses jambes fléchissaient. Arrivé sur le boulevard, il aperçut un banc et s'y assit. Le sang battait contre la voûte de son crâne comme s'il allait la briser. Tout à coup, et au grand étonnement de 2 ou 3 invalides qui passaient là, il se prit la tête entre les deux mains et poussa un cri étouffé. La vérité lui apparaissait éblouissante dans sa clarté sinistre. Il comprenait tout. Le silence pendant les 2 mois de séjour à Plorac, l'empressement à le fuir pendant le bal, la présence de Monsieur de Lannilis dans la chambre, l'effroi de Marguerite, sa ruse, sa perfidie, sa fuite. Il se mit à marcher à grands pas. Il gesticulait avec véhémence et parlait haut comme s'il eût été tout seul. Parfois un engourdissement le prenait, et il était obligé de s'appuyer contre un orme pour ne pas tomber. Puis il se remettait en marche et cherchait à rassembler ses idées pour prendre parti. Le suicide lui apparut comme un refuge, comme un terme à ses souffrances. Il aurait voulu un de ces amours infinis qui nous plongent dans l'isolement et nous détachent des joies et des espérances de ce monde. Maintenant que cet amour lui manquait, que lui restait-il ? Oui, oui, se répétait-il, Monsieur de Tréflion avait raison, il faut mourir. Au lieu de continuer son chemin, il revint sur ses pas. Il montait vers Vaugirard, il descendit vers la rivière. Relativement, il était presque tranquille, il avait un but. Il arriva au bord de la Seine et se mit à suivre le quai. Il regardait sans cesse autour de lui, en avant, en arrière, sur l'autre rive, sur le fleuve même. Il cherchait un endroit favorable à l'exécution de son projet. Il parvint ainsi jusqu'au pont de Iéna. Un brouillard assez épais commençait à tomber. Il se pencha par-dessus le parapet et regarda la rivière. Elle coulait, sale et jaunâtre comme après plusieurs jours de grande pluie, et donnait froid rien qu'à la voir rapide et bouillonnante dans son lit de pierre. « Allons !» se dit-il. Mais, prêt à s'élancer, il s'arrêta. Un frisson lui parcourut le corps. Il avait peur. En même temps, une voiture parut du côté du Champ de Mars. Il s'enfuit en courant. « Serais-je donc lâche ?» se demandait-il en gravissant la montée du Trocadéro. Mais aussitôt, il pensa des pistolets qui lui avaient été donnés par M. de Tréfléant. Et dès lors, sa résolution fut arrêtée. Et se dirigeant vers sa demeure, il fortifia par le raisonnement le projet qu'avait fait naître sa colère et son désespoir. « La dame que monsieur attendait n'est pas encore venue, » lui dit le concierge lorsqu'il entra pour prendre sa clé. Il ne répondit pas et monta l'escalier. La chambre était pleine de parfums, et les rosiers et les camélias avaient laissé tomber sur le tapis leurs fleurs flétries par une chaleur trop grande. Les pistolets étaient à leur place. Il les prit et en fit jouer les batteries. Une des cheminées était obstruée par la rouille. Il chercha une épingle pour la déboucher. Celle qu'il trouva avait appartenu à Marguerite. C'était un de ces fils de laiton long et recourbé en compas qui servent à retenir les cheveux. Il la regarda avec une expression de haine et de fureur, et allant à un petit coffret qui renfermait des roses fanées et un mouchoir, relique d'amour, il jeta les roses à terre et déchira le mouchoir en deux. « Ah oui, par elle jusqu'au bout, » dit-il, et avec l'épingle il déboucha la lumière, et avec les morceaux de la batiste il fit des bourres pour la poudre et pour les balles. Puis il fit son testament et écrivit à Martel. « Mon cher ami, tu trouveras 6 juin. Mon testament par lequel je t'institue mon légataire, à charge cependant de délivrer quelques dons faits à mes amis de Plorac. J'ai ri de toi quand il y a 18 mois tu as voulu me mettre en garde contre l'amour. Aujourd'hui, j'en meurs. Ne me plains pas. Depuis 1 an, je suis si horriblement malheureux que le suicide m'est une délivrance. Je te prie d'écrire à mes amis et aux journaux pour arranger ma mort. Adieu, sois heureux. Moi, je vais voir où est le bonheur, si bonheur il y a. Ton ami, Maurice Berthaud. » Il fit un paquet de cette lettre et de son testament, y mit l'adresse de Martel et la plaça en vue au milieu de son bureau. Tout étant ainsi bien préparé, tenant les pistolets sous sa main, il tomba dans un morne recueillement. Prêt à quitter la vie, il jetait un regard en arrière et s'apitoyait sur lui-même. Il pensait à son enfance, à sa mère, à ses amis, à son élan vers la gloire, à son amour. Il revoyait leurs chères forêts, Montmorency, Fontainebleau. Il revoyait Marguerite, souriante, passionnée, qui, palpitante contre lui, les lèvres sur les lèvres, les yeux dans ses yeux, se mourait de bonheur et murmurait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tout à coup, le bruit de la sonnette retentit à sa porte. Il se dressa pour écouter. On sonna de nouveau. Il courut ouvrir. Un espoir venait de lui traverser l'esprit. Si le domestique l'avait trompé, si c'était... C'était Martel. « Tu laisses bien longtemps tes amis à la porte, » dit celui-ci en entrant. « Tu dormais ? Non. Alors tu n'avais guère envie d'ouvrir ?» À ce moment, les yeux de Martel tombèrent sur la lettre qui portait son nom. « Tiens, tu m'écrivais. » Et il prit la lettre. « Ne lis pas !» s'écria Maurice. Martel le regarda tout surpris. Alors Maurice eut un geste d'abandon désespéré. « Au surplus, qu'importe, » dit-il. « Lis si tu veux. Tu verras que je pensais à toi. » D'un coup d'œil, Martel lut la lettre. « Je compte assez sur ton amitié, dit Maurice, pour espérer que tu m'épargneras tes observations inutiles. Ma résolution est bien prise et raisonnée. Raisonnée, oui, et si tu m'aimes, tu ne feras rien pour amollir mon courage. D'ailleurs, ce serait peine perdue. Enfin, que t'arrive-t-il ? Il m'arrive que malgré tes avertissements, j'ai voulu tâter de l'amour, que j'étais trompé et que, comme tu me le prédisais, il ne me reste plus qu'à mourir. Pour une femme ? Ce n'est pas pour une femme, c'est pour moi, pour ma dignité. J'avais tout mis en elle, elle a tout sali et détruit. Elle m'a si bien abaissé dans ma conscience que plutôt que de vivre déshonoré à mes propres yeux, j'aime mieux mourir. Ce n'est pas par faiblesse, comme tu pourrais le croire, que je me tue, c'est par fierté. Ah, se dit Martel en lui-même, tout n'est pas encore perdu, puisque la vanité surnage. Et il eut un peu d'espoir. Il avait cédé à un premier mouvement du cœur. Dans cette situation critique, ce n'était point au cœur qu'il devait avoir recours. La vie de son ami était entre ses mains, tout aussi fatalement que si, dans un combat, il l'eût tenu au bout de son épée. C'était un combat qu'il avait à livrer. Il lui fallait lutter et contre les séductions du suicide et contre celle-là même dont il était le champion. Habile, il pouvait gagner la bataille. Maladroit, il devait la perdre. Et il n'avait pas une minute pour se préparer. Il lui fallait triompher de son émotion, de ses craintes et de son amitié. Par où commencer l'attaque ? Par le désespoir, la douleur ou l'orgueil ? Quelles armes employer ? La tendresse, la raillerie ou la raison ? Il restait ainsi perplexe lorsque Maurice, qui, par son argument de fierté, croyait l'avoir cloué au mur et réduit au silence, lui offrit lui-même une occasion d'engager le fer. Je peux compter sur toi, n'est-ce pas ? Je n'ai pas un nom bien fameux, mais enfin, on s'occupera de ma mort. Je te prie d'écrire aux journaux et de dire que je me suis tué, parce que ni dans la vie, ni dans l'art, je ne rencontrais l'idéal que je m'étais proposé. Il n'y a là, je crois, rien de déshonorant pour un artiste. Prends garde, s'écria Martel. Quand à la loterie de la gloire, on joue sur un seul billet, et que ce billet est notre mort, il faut y faire attention. Au lieu de la célébrité posthume, tu pourrais bien avoir que le ridicule posthume, puisque tu es bien décidé, puisque tu crois accomplir un devoir. Mes objections ne t'ébranleront point, n'est-ce pas ? Eh bien, laisse-moi aussi accomplir ce que je crois le mien. Si tu étais à ma place et que je fusse à la tienne, tu voudrais m'arrêter, hein ? Comme je ne saurais pas ce que tu as souffert, je me tairais. Tu parlerais, car tu m'aimes. Ton cœur crierait et supplierait. On ne voit point son ami, son camarade, courir à la mort sans se jeter au-devant de lui. Mais il ne s'agit pas de l'ami maintenant. Notre vie est à nous seuls le droit d'en disposer comme nous l'entendons, je le veux bien. Mais encore faut-il que nous sachions ce que nous faisons. Crois-tu que je ne le sache pas ? Puisque tu le sais, examinons-le à nous deux, que t'importe. Puisque tu as raisonné, raisonnons encore. 10 minutes de plus ou de moins sont bien peu de choses, il me semble. Tu vas, n'est-ce pas, prendre ces beaux pistolets qui sont là sur ton bureau, tu vas les armer, te les poser tous deux sur le front, non, sur le cœur. Enfin, sur le front ou sur le cœur, peu importe. Puis, quand ils seront bien posés, tu presseras la détente. En disant ces mots, Martel exécutait la pantomime qu'il traduisait. Prends garde, n'aie pas peur, je ne veux pas me tuer. Je l'ai voulu autrefois, mais ça ne s'est malheureusement passé tout seul. Donc, tu presses la détente et tu te tues ou tu te manques. Je me tue, dit Maurice. Tu te manques. Laisse-moi supposer un moment que tu te manques. Je supposerai après que tu t'es tué. Nous sommes deux philosophes discutant sur le suicide. Donc tu as tiré et tu t'es manqué. Tu n'es qu'à moitié mort. Au bruit de la détonation, ton concierge monte. Les voisins courent, on enfonce ta porte, on te trouve renversé là sur le tapis, baigné dans ton sang, horrible, défiguré. Les sergents de ville arrivent, le médecin du quartier s'empresse, on te porte sur ton lit, on te panse, on te martyrise. Enfin, monsieur le commissaire paraît exactement comme au théâtre de Guignol. Et comme tu n'es qu'à moitié évanoui, il t'interroge et t'adresse son discours. Le suicide est une lâcheté. Que t'a fait cette société au sein de laquelle tu ne veux plus vivre ? Elle t'a nourri, elle t'a élevé, elle t'a préservé de cet acte flétrissant, honteux, que tu voulais accomplir en te suicidant. Il te parle de la loi, de la morale, de l'église, du poste où Dieu, faisant les fonctions de caporal, t'a mis en sentinelle. Enfin, il est d'un pathétique aquatique, et il faut que tu lui promettes, à lui, commissaire de police, de ne jamais recommencer. Aussitôt que tu le peux, c'est-à-dire après 2 ou 3 mois d'horribles souffrances, tu recommences, ou bien tu ne recommences pas. Car il paraît qu'une saignée change beaucoup le caractère, et dans ce cas, tu restes ridicule et défiguré. J'ai vu un Werther qui s'était manqué, et outre que de beau garçon il était devenu fort laid, tout le monde riait de lui. Maintenant, si tu le veux bien, nous allons supposer que tu t'es tué. J'espère que ce sera un peu moins ridicule, la mort a sa poésie. Ah, mon Dieu, ce ne le sera guère moins. D'abord, nous avons le même début, concierge, voisin, etc. Moins la seule chose drôle, à savoir le discours. Mais en place, nous avons les commentaires dont je te fais grâce et qui, cependant, ne seraient pas tous précisément lyriques. De plus, nous avons les articles de journaux. Sans doute, je ferai ce que je pourrais, mais je ne peux pas grand-chose. Ton commencement de réputation t'a fait des envieux, ils auront beau jeu. Vois donc un peu d'avance l'effet d'un méchant petit article du Panurge ou du Furet. La chambre était pleine de fleurs. Le lit avait de beaux draps blancs avec une tête d'oreiller garnie de dentelles. C'était complet, il y avait même la lettre à l'ami, et on assure que cet ami existe. Là-dessus, coup de griffe pour moi, mais comme je suis vivant, on me ménagerait, et on se rattraperait sur la conclusion. Ce suicide nous convainc d'une vérité que nous avons souvent émise, c'est qu'il était plus facile à ce monsieur de se défaire de sa vie que de sa musique. Eh bien, il ne dirait que la vérité, après tout. Si je voulais vivre et travailler, je ne ferais plus rien de bon, je suis impuissant. Toi ? Tu n'as jamais été plus fort. La première douleur passée, tu verras ce que tu as gagné en expérience. Nos chevrons, à nous autres, ce sont nos blessures. Nous n'avons d'avancement qu'à la condition de souffrir. Pour un artiste, il n'y a pas de joie ou de chagrin. Il n'y a que des excitations qui tournent au profit de son art. Tu verras à combien de secrets tu te trouveras initié. Maurice resta un moment sans répondre. Ses railleries l'avaient blessé et humilié dans son orgueil. Ce dernier argument le touchait dans ses plus chères croyances. C'était comme une fêlure qui se serait faite sous les coups qu'il avait reçus. Mais il n'était point encore ébranlé. « Quand tu aurais raison, dit-il, quand l'artiste grandirait dans son malheur, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis un artiste maintenant? Et quand j'en serai un? Quand j'accepterai ce que tu me dis là? Est-ce que je n'ai pas encore 1000 motifs pour mourir? J'ai tué ma mère, et à tous mes chagrins s'ajoute le remords. Plutôt que de vivre torturé, j'aime mieux m'offrir en sacrifice. Ah, la digne femme! Si j'ai eu l'infamie de la délaisser, je veux avoir au moins le courage d'aller la rejoindre et lui demander pardon. Crois-tu pas vraiment que le suicide est une expiation? Voyons, je ne me place pas au point de vue de l'art, mais au point de vue de ta mère. Tu vas la rejoindre, n'est-ce pas? Tu parais devant elle et tu lui dis « Je t'ai rendu malheureux, c'est vrai. J'ai causé ta mort, c'est vrai. » Mais sais-tu ce que j'ai fait pour réparer cela? Au lieu de rester sur la terre à me repentir activement, au lieu de travailler pour que mon travail monte vers toi comme une prière, j'ai abandonné les autres. Je me suis abandonné moi-même. Je n'étais qu'un faible et un ingrat enfant. Je suis un damné. Car pour elle, bonne chrétienne, tu ne pourras jamais être qu'un damné. Mais si elle était là à nous écouter, tu verrais... Ah! Si elle était là, je ne me tuerais pas. J'irais me jeter dans son sein et pleurer avec elle. Mais je suis seul, tout m'abandonne à la fois. Je n'ai pas la force de supporter mon malheur. Je t'ai dit que je me tuais par dignité. Ce n'est pas vrai, c'est par lâcheté, c'est parce que je souffre trop, c'est parce que je l'aime encore. Oui, cela est honteux. Oui, elle m'a trompé, elle s'est jouée de moi, elle est infâme, elle me tue. Cependant, je l'aime, entends-tu bien, je l'aime. Ses mensonges, sa lâcheté, sa trahison, je les oublierai. Tandis que ce que je ne pourrais jamais oublier, c'est son regard, c'est elle tout entière. Et quel autre aurait son sourire? Quand je pense à ses baisers, à ses caresses, je suis fou. Tiens, prends mes mains, vois comme je tremble, vois toi-même. Pourtant, je sais aujourd'hui qu'elle me trompait. Et malgré tout, si elle était là devant moi, me regardant comme elle s'est regardée, je tomberais à ses pieds, je baisserais les yeux devant elle, je lui demanderais pardon de ses propres fautes, tout ce qu'elle voudrait, je le croirais. Tu vois donc bien qu'il faut que je meure. » Il se jeta sur son lit. Martel, appuyé sur le bureau, demeura immobile, presque heureux de cette crise qui ne pouvait conduire qu'à une prostration et favoriser la dernière attaque qui lui restait à tenter. Il laissa donc Maurice pleurer tout à son aise, puis, quand il le vit bien accablé, bien amolli, « J'ai tout épuisé pour te retenir, » dit-il en lui prenant la main. Ce n'est donc pas l'amitié que j'invoquerai après les appels décisifs que je t'ai faits. Si tu as résisté à ton art et à ta mère, c'est que, comme tu le dis, ta résolution est bien prise. Je n'ai donc à la respecter, car je comprends le suicide. Mais encore faut-il cependant qu'il s'accomplisse dans de certaines conditions. Tu persistes toujours à te tuer, c'est bien, je te le permets, je t'approuve. Mais si tu te tuais aujourd'hui, dans un moment d'excitation nerveuse, tu serais ridicule pour les autres. Et dois-je te dire, toute ma pensée, tu le serais même pour moi. Je ne verrais dans cet acte religieux qu'un désordre purement physique, qu'un coup de tête sans signification. Ce n'est point ainsi qu'un homme de ta portée et de ton courage doit mourir. Mais si, dans quelques mois, loin de cette chambre pleine de souvenirs, de cette ville où tu l'as aimé, seul dans une lande déserte, sous le vaste ciel, calme, résolu, réfléchi, dans la possession de toi-même, tu dis encore « Je veux me tuer ». Et si tu exécutes cette résolution, tu accompliras une chose grande, et cette chose, je crois que tu es homme à la faire. Jusque dans la mort, sois artiste. Maurice, qui jusqu'alors avait toujours répondu coup pour coup, ne trouva rien cette fois à riposter. Toutes ses défenses avaient été ruinées les unes après les autres. Il était maintenant si bien enveloppé que non seulement il ne pouvait plus se cacher sa défaite à lui-même, mais qu'il allait être encore forcé de la reconnaître. Car dans son esprit se posait avec d'éblouissante clarté ce dilemme impitoyable où la passion m'a rendu un grand artiste, et alors je trouverai la force de vivre et deviendrai célèbre, ou, retardant l'exécution de mon projet, je me tuerai comme un stoïque de la vieille Rome, et alors, au lieu d'être ridicule, je serai grand et deviendrai un exemple. Dans l'un comme dans l'autre cas, Martel a donc raison, il ne faut pas mourir. Mais la forfanterie de la résolution l'empêcha de s'avouer vaincu et il essaya de lutter encore. Martel répliqua sans se décourager. Seulement, comme ils étaient à bout de démonstrations, ils revinrent tous deux à leurs premiers arguments. Mais comme ceux de Martel étaient les plus solides et les plus forts, ils reçurent de leur répétition une puissance qui accablait Maurice plus lourdement encore que la première fois. Cependant, quoique convaincu, il ne cessait de répondre « Je ne le veux pas ». Et quoique décidé à ne plus se tuer tout de suite, il répétait encore « Je le veux toujours ». Enfin, Martel, se dépitant malgré lui de cette mauvaise foi et de cette obstination d'enfant malade, « Si ce n'est par dignité, attends au moins par intérêt. Qui sait si elle ne t'aime pas encore ? Allons donc !» s'écria Maurice, et il se mit à raconter comment, malgré ses promesses, elle ne lui avait pas écrit, comment elle l'avait reçu dans le bal, enfin la scène de la nuit, et celle où il avait appris le mariage et le départ. « Eh bien, qu'est-ce que cela prouve ? Ce n'est pas assez clair ? Pas du tout. Ça prouve qu'elle t'a trompé, ça ne prouve pas qu'elle ne t'aime plus, crois-tu ? Dame, je ne garantis rien, mais à ta place, je voudrais voir, j'attendrai, les femmes sont si prodigieuses. Attendre, ce serait mourir tous les jours. Si je t'offrais un moyen d'attendre sans trop souffrir, en te distrayant, en usant ta douleur par l'agitation et la fatigue. Voilà le printemps, rien ne me retient à Paris, partons en voyage. À quoi bon ? À ne pas rester ici. Et puis on peut la chercher, tu peux la retrouver. C'est impossible, c'est insensé. Avec les femmes, c'est l'insensé qui est le possible. Voyons, il y a bien une valise ici. Mais il est au moins 2 heures du matin. Tu vas venir coucher chez moi, et demain nous conviendrons de nos faits et gestes. » En parlant ainsi, il jetait dans une petite malle quelques habits et un peu de linge. Maurice, honteux et irrésolu, le regardait faire sans rien dire. Puis, comme Martel allait fermer sa malle, « Prends les pistolets, » dit-il. « Allons donc, » fit celui-ci, mais se ravisant aussitôt. « C'est inutile, bah, s'il faut en venir là, tu trouveras bien toujours sur ton chemin une jolie petite mare profonde, avec des grenouilles et de grands saules. Et quoique la noyade, à mon gré, soit une chose fatale, le tombeau sera si coquet que ça vaudra toujours mieux que des pistolets. Allons, partons !» Maurice voulait résister, mais il le prit par le bras et l'entraîna presque de force. Ils avaient déjà descendu quelques marches quand Maurice s'arrêta. « Eh bien ?» fit Martel. « Attends un peu, il faut que je remonte. Donne la bougie. » Il remonta en courant. Alla droit à la cheminée, prit les lambeaux du mouchoir qu'il avait déchiré, les baisa, puis, les ayant cachés sur son cœur, il jeta un regard d'adieu à cette chambre où tout conservait encore la magie des félicités évanouies et rejoignit Marcel qui déjà s'impatientait.